Deux ailes hirondelles volent vers les midis. Moi, je pars avec elles. Une prise à travers l'espace, voici. Le voici. Yeah.